Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Clara de Letraz. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette nouvelle saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF. C'est une banque éthique coopérative qui, grâce à son épargne, finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est donc la banque des 2030 Glorieuses, une banque coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires, une banque éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent et une banque transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Et moi, c'est une banque qui me permet de donner la parole à toutes celles et ceux qui font les 2030 glorieuses. Donc, je suis fier d'être soutenu par la NEF. Vous aussi, soyez fiers de votre banque. Ouvrez un livret NEF. Ça y est, ça s'est dit. Aujourd'hui, je suis heureux de te donner la parole, Clara. Clara de Letraz, tu es créatrice de Ensemble, une newsletter, une méthode collective de dialogue pour se reconnecter en osant se parler vraiment des sujets sensibles et complexes. Ensemble, nous parlerons de polarisation et de comment redonner le goût de l'autre à nos compatriotes. Petit sujet en ce moment. Pour commencer cet échange, Clara, je te pose la question que je pose à tous mes invités au début de l'interview. Tu es un événement familial, public, j'en sais rien. Tu rencontres une personne qui ne te connaît pas encore. Arrive la question fatidique. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds maintenant en 2025? Alors, je déteste cette question. Je pense qu'on est nombreux. On se met à paniquer, à se dire, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Écoute, en ce moment, depuis quelques temps, là, ce que je dis, c'est que je crée des failles spatio-temporelles. Bon, ça a l'avantage de, tu vois, d'interpeller. Voilà, et je dis que je crée des failles spatio-temporelles parce que je crée des espaces-temps qui n'existent pas dans la société aujourd'hui et qui permettent à des gens qui n'appartiennent pas aux mêmes bulles d'opinion, d'identité, de mode de vie, de se rencontrer et de se parler des sujets sensibles avec le bon cadre. Tu animes donc des voyages en 2030 glorieuses. Exactement. Je pourrais vraiment présenter mon activité, mon quotidien de la même manière. Alors, peut-être que sur le côté sensible, on a peut-être des différences, des nuances, des complémentarités, puisque c'est vrai qu'avec les 2030 glorieuses, on parle beaucoup des nouvelles abondances. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre, moi aussi, que je t'interview, et donc de tout ce qui nous attend de génial, de comment les grands enjeux de notre siècle, géopolitique, écologique, sur les questions de genre, de plein de choses, sont devenues des opportunités de mieux vivre et d'enfin faire que l'humanité passe à l'âge adulte. Mais ça, on en reparlera en deuxième partie. Si toi, du coup, tu nous dis un peu plus ce que tu fais dans ces failles spatio-temporelles, tu me l'expliques comment ? Ce que je fais dans ces failles spatio-temporelles, y a plusieurs ingrédients qu'une faille spatio-temporelle puisse s'ouvrir et réussir à connecter des mondes parallèles, justement des mondes qui ont du mal à se parler. Déjà, l'ingrédient de l'être ensemble, c'est-à-dire que, comme je disais, il faut au moins déjà être au même endroit, au même moment, être au contact les uns des autres. En fait, ça change tout déjà quand on se voit dans la vraie vie, plutôt que sur les réseaux sociaux, ou même qu'on se voit pas du tout, quoi. Donc, c'est le premier ingrédient. Ensuite, quand on connecte comme ça quand on met ensemble des gens qui appartiennent pas aux mêmes bulles ou qui sont pas d'accord sur des enjeux un peu complexes et sensibles, il faut commencer par les connecter et les connecter notamment émotionnellement. Donc, il y a plein de manières de faire ça, mais en se trouvant des points communs, voilà. Enfin, ça, il y a plein de manières de faire, mais j'ai plein d'atouts dans ma botte pour réussir à connecter les gens, même quand ils se croient très éloignés. Et puis, une fois que la prise est branchée et que le courant peut passer, l'idée, c'est de pas s'arrêter là et d'oser aller se confronter, mais sans s'affronter, sur les sujets justement qui sont sensibles et qui parfois peuvent diviser. Et pour se confronter sans s'affronter, il y a une manière de faire qui n'est pas le débat. Le débat, c'est plus un combat d'idées où il faudrait gagner, enfin qu'il faudrait gagner. Ce qui est plus intéressant pour se confronter sans s'affronter, c'est le dialogue. Dans le dialogue, la posture, elle est très différente. L'intention du dialogue, c'est de comprendre, en fait, pas de convaincre. Donc, c'est beaucoup écouter sans chercher à répondre, à anticiper sa réponse, et puis parler sans chercher à convaincre. C'est extrêmement reposant quand on le vit, très nourrissant. Ça ouvre beaucoup, beaucoup de perspectives. Ça fait qu'à la fin, on n'est pas forcément d'accord, mais on peut l'être parfois un petit peu plus quand même. Et en tout cas, il y a toujours des choses qui bougent, des représentations, voilà. Et donc, c'est un outil qui est très, très puissant. Voilà. Et ces failles spatio-temporelles, du coup, je les fais vivre à la fois dans différents contextes, dans des organisations, dans des entreprises. Par exemple, là, je l'ai fait chez BNP Paribas sur le sujet de leur politique d'égalité hommes-femmes, parce qu'ils ont une politique RH très ambitieuse en faveur des femmes. Et qui est vraiment chouette, quoi, avec des quotas de recrutement, des rattrapages salariaux, etc. Mais ils se sont rendus compte que ça générait aussi des frustrations chez les hommes qui pouvaient parfois nourrir l'impression qu'il y en avait que pour les femmes, que c'était plus possible d'évoluer chez BNP quand on était un homme. Et donc voilà, par exemple, on a organisé une expérience de parler ensemble de cette faille spatio-temporelle chez eux, où je le fais dans les grands événements. Tu vois, on en parlait juste avant, là, jeudi à Lyon, au festival So Good, où je vais faire parler ensemble, donc 300 corporate et jeunes de quartier. Voilà. Clara, tu as pas fait ça toute ta vie. Et d'ailleurs, nous, on se connaît un peu de l'une de tes vies d'avant, parce que dans le cadre de Switch Collective et des promos qui étaient lancés, on m'avait d'abord invité, puis ensuite tu m'avais fait animer l'un de mes premiers ateliers de 2030 Glorieuse pour l'équipe de Switch à l'époque. Et moi, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu t'as rebifurqué, pourquoi c'est devenu important d'être ensemble, pourquoi ça, tu pouvais pas laisser les milliers d'heures qu'on dédie chaque année à notre travail hors de ces enjeux-là. Écoute, c'est une bonne question. En fait, dans mes vies antérieures, effectivement, j'ai navigué dans des mondes assez différents. J'ai navigué dans le monde public et politique, notamment en cabinet ministériel avec Fleur Pellerin, avec qui j'avais lancé l'initiative French Tech. Et puis après, dans le monde de l'entrepreneuriat impact, avec le projet Switch Collective, où, comme tu le disais à l'instant, avec lequel on a accompagné près de 12 000 personnes en quête de... En tout cas, de réinventer leur vie pro et peut-être de plus de sens dans leur travail. Et voilà, ce projet, on l'a revendu à la MAIF en 2020 et je l'ai quitté en 2022, moi. Et quand j'ai pris le temps de faire un petit bilan, calmement, toujours, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée. J'ai une prise de conscience. J'ai réalisé que c'était, tu vois, 2 ans après le Covid, hein, j'ai réalisé qu'alors même que je me disais ouverte, hein, en fait, j'évoluais dans une bulle. Dans une bulle de gens qui me ressemblaient, qui pensaient plus ou moins comme moi, qui vivaient plus ou moins comme moi. Cette bulle, je l'ai beaucoup retrouvée à la fois dans le monde politique, public, dans le monde de la tech, dans le monde de l'impact. Et je me suis demandé si c'était juste dans ces environnements-là qu'on vivait dans des bulles, ou peut-être juste à Paris, parce que je vis à Paris. J'ai commencé à me documenter, à me rendre compte que ce problème de bulles traversait absolument toute la société. Et que ces bulles, non seulement elles étaient en train de devenir de plus en plus hermétiques, mais en plus, elles étaient en train de s'antagoniser, de se polariser. La polarisation, c'est un mot un peu, pas nouveau évidemment, mais en tout cas, quand je l'employais il y a un an et demi, deux ans, les gens ne percutaient pas forcément. Mais là, avec tout ce qui se passe aux US, on commence à l'utiliser pas mal. Mais la polarisation, c'est pas vraiment le conflit, c'est parce que le conflit, ça oppose des idées, la polarisation, ça oppose des identités. Donc tu vois, dans la dynamique de polarisation, il y a cette idée que c'est même pas juste ton idée que j'aime pas, c'est avant tout toi que j'aime pas. Et d'une certaine manière, quelle que soit ton idée, j'ai pas envie de t'écouter, quoi. Tu vois, Et donc voilà, et en fait moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, je me suis rendu compte que c'était un problème absolument majeur, parce que comment on peut imaginer dans une société et dans un monde où on a des défis là colossaux, tu vois, évidemment écologiques, sociaux, politiques. Comment on peut imaginer relever ces défis-là, alors qu'en plus on est à un moment de l'histoire de l'humanité où on n'a jamais été autant dépendants les uns des autres et à aussi large échelle. Comment on peut imaginer faire ça alors que dans le même temps la société se disloque en bulles hermétiques et homogènes. Tu vois, il y a un truc qui colle pas. Et donc moi j'ai acquis la conviction que la transition n'adviendrait pas sans qu'on fasse éclater ces bulles. Justement, et c'est pour ça que depuis presque deux ans maintenant, je me suis lancée dans une espèce d'enquête, vraiment orientée solution, en me disant c'est quoi les solutions en fait à ces problèmes de bulles et de polarisation. Et donc j'ai interviewé beaucoup de chercheurs, d'acteurs terrain, d'experts. J'ai aussi été voir sur le terrain justement les rares endroits de la société où il y a des gens très différents qui accomplissent des choses ensemble, par exemple les jurys d'assises, les conventions citoyennes, la justice restaurative, des expériences sociales comme ça. Et voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a aussi amené à contribuer au lancement de la première édition de Faut qu'on parle, avec Brut Lacroix et le Fonds Bayard. Faut qu'on parle, le principe, c'est un peu comme avec une app de dating, de matcher des inconnus aux opinions opposées. Et voilà, et en fait, avec tout ça, cette enquête, mes différentes expérimentations, projets, je suis arrivée à la conclusion, à une bonne nouvelle, en fait, que je vous partage quand même, parce qu'on en a besoin, justement, mais que l'antidote à la polarisation et aux bulles existe, et qu'il est à la fois très simple et très compliqué, mais qui consiste justement à vivre des expériences comme ça, de parler ensemble, où on fait se parler ensemble des gens qui n'appartiennent pas aux mêmes bulles, en osant se confronter sans s'affronter sur les sujets sensibles et pourtant qui sont tellement importants et qui comptent aujourd'hui pour avancer dans le monde qu'on a envie de construire. Donc voilà, l'antidote, c'est de réussir à créer justement ces fameuses failles spatio-temporelles que j'évoquais. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire ça, à créer ces expériences, à écrire ma newsletter ensemble en parallèle, où je raconte un peu toutes mes découvertes, à avoir un projet d'émission de télé aussi, voilà. Mais en tout cas, de creuser ce sillon-là, sans lequel j'ai peur qu'on n'arrivera pas à résoudre tous les autres problèmes, tu vois. Pour moi, c'est un peu... Ouais, tu crées les conditions qui, derrière, peuvent permettre le changement. On reparlera, Clara, de ta série à succès quand on sera en 2030 glorieuse. Tu nous partages une bonne nouvelle et j'aimerais bien, dans la fin de cette première partie, qu'on revienne sur des exemples concrets, justement, qui pourraient peut-être nous permettre d'illustrer cette bonne nouvelle. Et avant ça, j'aimerais bien qu'on labellise un peu quand même ce à quoi tu t'attaques et comment tu inverses cette tendance. Parce que je pense que les mots, ils sont importants et que on doit raconter à quel point c'est cette époque qui est décroissante. On a affublé les écolos, pour le dire comme ça, l'arc du vivant, bref, je sais plus comment le dire, de décroissantiste. Et je pense qu'en fait, c'est non seulement faux, mais en fait complètement obscène de le dire comme ça. Parce que c'est vraiment ce monde qui est décroissant, c'est cette époque, c'est ce modèle économique qui transpire et qui influence. Chacun dépend de notre société qui est décroissant. Et donc, du coup, ma question, c'est à quelle décroissance, toi, tu penses t'attaquer, tu souhaites, tu veux même t'attaquer avec ton travail, notamment lié à Ensemble ? Écoute, la décroissance de justement ces bulles, hein, que j'évoquais, qui ne font que croître, qui sont en plus amplifiées. C'est quoi comme décroissance, Clara? Tu vois, est-ce que c'est une décroissance de l'empathie? Est-ce que c'est une décroissance du lien? Est-ce que c'est une décroissance du dialogue? Tu utilises beaucoup ce mot-là. Ouais, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. C'est une décroissance du lien, c'est une décroissance des opportunités de contact, des lieux de contact, des lieux de mélange, des opportunités de le faire, tout simplement. Une décroissance effectivement aussi de l'empathie. Il y a des études ce qu'on appelle des méta-études sur des décennies qui montrent que les niveaux d'empathie décroissent chez les gens, mais que l'empathie, en fait, elle se nourrit aussi précisément du contact. C'est difficile d'aimer ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ne voit jamais. J'allais te dire, on a aussi, on voit cette décroissance de la curiosité de l'autre. On voit l'autre aujourd'hui comme, tu le disais, un opposant, quelqu'un à vaincre et à convaincre. J'aime pas ce mot de convaincre. Alors que, on pourrait aussi se dire, mais tiens, qu'est-ce que l'autre va m'apporter de génial, de par son histoire, de par ses expériences, de par ses passions. On a perdu ce goût-là aussi, tu vois. Et en tout cas, je pense parce qu'on est. On n'est effectivement pas aidé, en plus par les réseaux sociaux, tu vois, qui créent aussi des bulles. Enfin, voilà, maintenant, on connaît ce phénomène, hein, des bulles de fil qui font qu'on est exposé qu'à des gens et à des contenus qui vont dans le sens de nos convictions et de nos affinités. Donc voilà, tout notre quotidien va dans ce sens-là aujourd'hui. Et en même temps, il ne s'agirait sûrement pas de désespérer, parce qu'il y a plein de choses aussi très chouettes qui se passent, et plein de raisons d'espérer et d'envisager tout à fait une autre trajectoire. Donc, c'est pour ça qu'on... J'avais des questions, tu vois, sur la gravité de la situation, et en fait, j'ai l'impression qu'on sait que c'est grave, et qu'on sent que je te dis juste ça, et donc du coup, j'ai l'impression qu'on sent que les gens sont maintenant de plus en plus conscients, en fait, qu'on est déconnectés les uns des autres, et que la peur de l'autre, c'est devenu une norme, mais si jamais t'as envie de nous livrer un chiffre ou deux qui sont, selon toi, clés à connaître, je veux bien que tu me fasses une réponse en une minute sur ce point-là. Et après, surtout, moi j'ai envie de t'entendre justement sur les exemples de la bonne nouvelle que tu nous livrais tout à l'heure, s'il te plaît, Clara. Il y a deux chiffres que j'ai envie de donner, à la fois pour prendre la mesure de ce phénomène de polarisation et de fracturation. C'est une étude de Destin Commun qui montre que 70% des Français considère notre pays comme divisé. À titre de comparaison, en Allemagne ou en Angleterre, c'est plutôt 50%, hein. Donc on voit qu'il y a un gros décalage là. Mais il y a aussi une autre étude de Destin Commun qui révèle que, en fait, plutôt qu'une France fracturée, on est une France perplexe, assez soucieuse de la complexité des sujets et plutôt réfractaire en réalité au discours binaire. Ils ont découvert que, par exemple, parmi les deux tiers de gens qu'ils ont interrogés sur le conflit israélo-palestinien, deux tiers des gens qui se disaient inquiets des impacts du conflit pour la population palestinienne, parmi ces gens-là, 8 sur 10 étaient aussi inquiets pour la population israélienne. Donc en fait, sur la plupart des grands sujets clivants, même encore un autre chiffre, c'est que t'as toujours 20% des gens qui sont très favorables, 20% des gens qui sont très opposés, mais en gros, t'as 60% des gens qui sont dans le doute, la complexité, voilà. Donc, il y a une polarisation et une dynamique de polarisation, c'est certain. Et en même temps, il y a aussi une majorité, en réalité, de gens qui se posent les bonnes questions et qui savent être dans le doute et la nuance, quoi. Attention, Clara, tu as déjà utilisé deux en même temps. Au troisième, on est obligé d'arrêter cette interview. J'ai dit n'importe quoi, pardon. Et ça m'intéresse ce que tu dis parce que ça éclaire un autre concept là que j'ai entendu de François Gémen qui est climatologue contributeur au GIEC, un Belge, et qu'on entend régulièrement sur les médias, et qui nous parlait de la spirale du silence, et qui dit que plus de 85% des Français sont prêts à voir les politiques prendre des mesures contraignantes pour se mettre à la hauteur des enjeux climatiques. Mais on a l'impression que les autres Français, eux, ne sont pas prêts. Et en tout cas, les Français entre eux pensent que les autres ne le souhaitent pas, ne veulent pas, ne considèrent pas ces questions comme prioritaires. Et ça nous fait tomber un peu là dans cette situation hyper frustrante où on a l'impression que c'est plus une priorité alors que tout le monde a envie qu'on en parle, mais en fait on n'ose plus en parler, et peut-être que c'est parce qu'on a l'impression que tout est polarisé et que on a peur de créer des situations qui vont nous dépasser, qu'on n'ose plus aborder ces questions qui pourtant sont encore majoritairement dans les têtes des Françaises et des Français. Ça te parle, ça résonne ce que je te dis? Ça résonne à fond, et pour moi on est typiquement dans cette dynamique de polarisation plutôt que de conflit. C'est-à-dire que pour moi, je suis pas sûre qu'il y ait tant que ça un conflit sur les idées, sur le fond, et sur ce besoin en tout cas de, typiquement, bah de, comme tu disais, hein, d'avoir des mesures ambitieuses, voilà. En revanche, il y a une opposition des identités derrière, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que y a, pour tout un tas de gens, le mot écologie typiquement est associé à certaines catégories de la population qui sont devenues épidermiques pour eux, tu vois, qui perçoivent comme une espèce d'élite bobo, donneuse de leçons, voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment c'est ça la polarisation, c'est quand on finit par discréditer, mais de part et d'autre, hein, des idées dès avant même de les avoir entendues, ou parfois même en étant finalement à 90% d'accord, mais parce que la personne qui est derrière, je l'aime pas, en fait, tu vois, je l'aime pas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à inverser comme tendance. Et nous, on voit bien en plus à quel point c'est faux, parce qu'avec le voyage en 2030 glorieuse, que ce soit des personnes, quelle que soit leur appartenance religieuse, le territoire sur lequel ils vivent, leur catégorie socio-professionnelle, en fait, au bout de 15 minutes, ces gens, ils veulent toujours les mêmes choses, en fait, en 2030 glorieuse. Et donc, ça montre à quel point, effectivement, on a besoin de ces espaces-là. Je parlais d'exemple à la bonne nouvelle que tu nous donnais. Est-ce que ce soit avec l'expérience de match dont tu parlais, faut qu'on parle, vous avez fait parler des personnes qui avaient des opinions opposées, ou à travers les espaces, là, les bulles dont tu nous parlais avec le projet Ensemble. Raconte-moi un peu ce qui est beau dans ces reconnexions que tu forces d'une certaine manière. Écoute, alors par exemple avec le projet Faut qu'on parle, qui s'est tenu en fin d'année dernière, et puis il y aura une deuxième édition à l'automne prochain. Plein de belles histoires, plein de très beaux témoignages. Déjà, tu vois, il y a 6500 personnes qui ont participé, c'est trois fois plus que ce qu'on avait anticipé à l'époque. Et puis, le témoignage d'un des participants qui je trouve résume très bien la force, l'impact d'une initiative comme ça, qui a témoigné en disant à la fin de notre discussion, je ne me suis pas dit que mon partenaire de discussion donc avait raison, mais j'ai compris qu'il avait ses raisons. Et je trouve que c'était très joliment résumé, tu vois, sur ce qui se passe. Et puis on a eu énormément, ce qu'on avait demandé aux gens de prendre des selfies, donc ils nous ont tous envoyé leurs selfies avec des mines réjouis, tu vois, je sais pas comment dire, où tous ils nous disent, et moi je l'observe dans toutes ces failles spatio-temporelles là que je crée dans différents contextes, à la fin, en fait, en général, les gens disent, mais oh, ça fait tellement du bien là de vivre tout simplement aussi juste un moment d'humanité partagée, très forte, alors que je pensais que c'était même pas possible, quoi, que ça me paraissait trop éloigné. Ça c'est très très fort, quoi, c'est très fort. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple? Le temps que tu réfléchisses, ça me fait penser à quel point pour ces reconnexions un peu forcées, les enfants sont des accélérateurs de connexion, des forceurs de connexion extraordinaires. Un exemple qui date de ce week-end, je suis assis dans le train, mon fils, l'un de mes deux fils est en face de moi, et je sais pas ce qui se passe, mais tout d'un coup il commence à embêter un peu le voisin qui était à côté de lui, une personne âgée, des des vêtements plutôt classe, une grosse montre, pas forcément le genre de personne avec qui moi j'aurais eu tendance à aller naturellement. Et en fait, bah, il s'avère que Michel a des petits enfants, tout de suite il se connecte avec mon fils hyper vite, et puis Michel est hyper sympa, il parle de tout, de rien, il me parle aussi, et puis ses origines italiennes et tout. Et en fait, on a passé une heure à se parler tous les trois et c'était génial. Et je trouve que parfois d'avoir voilà, des personnes qui sont comme les enfants, un peu, avec un peu moins d'appréhension que nous et qui mettent pas les gens dans les cases comme nous, ça fait du bien aussi pour dépasser tout ça. Totalement. Quand tu me dis ça, ça me fait penser à un spectacle là, auquel j'étais la semaine dernière qui s'appelle Kermesse, que je vous recommande au Théâtre 13 à Paris. Mais au début, le spectacle avait été monté au Festival d'Avignon. Et le pitch, enfin le principe, c'est est-ce que la chenille, donc, tu vois, un truc très enfantin, quoi, enfin très peut être presque un acte politique, justement, de reconnexion sociale. Et franchement, c'est très drôle. Et évidemment, ça finit par une chenille géante. Et c'est non, mais c'est vraiment c'est rigolo parce qu'effectivement, c'est aussi en se décalant un peu et en remettant un peu de légèreté, de cette légèreté de l'enfance et qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent se créer. Ok, je vois bien, les chenilles partout en France, ouais. Un mouvement politique qui se saisirait de ça, la plus grande chenille de France qui traverserait le pays pour reconnecter les gens. Il y a un truc là. Un dernier exemple que tu veux nous donner, Clara, avant qu'on fasse ce voyage en 2030 glorieuse, ou on y va tout de suite? Moi, j'avoue que je suis très curieux de ce qu'on va raconter en 2030 glorieuse. Alors, écoute, qu'est-ce qui me vient? Je sais pas pourquoi je pense aussi. Alors, c'est pas en France. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette héritière qui s'appelle autrichienne, qui s'appelle Marlène Engelhorn, qui est descendante du fondateur de BASF, c'est des industries chimiques, et qui a hérité de 25 millions d'euros. Et en fait, Marlène, je l'ai interviewée, elle a décidé de redistribuer 90% de son héritage, en considérant qu'elle n'était pas assez taxée. Alors, la décision, et on peut être d'ailleurs d'accord, pas d'accord, machin, c'est une décision courageuse, mais ce qui est fascinant, c'est au-delà de cette démarche, c'est la manière dont elle a choisi de redistribuer la somme, parce qu'elle aurait pu, tu vois, en bonne philanthrope un peu égotripée, se dire voilà, je sais ce qui est bon pour la société, mais elle a pas du tout eu cette démarche là. Elle a déclaré qu'elle avait pas le droit de décider de la manière dont l'argent qu'elle n'avait pas gagné en fait devait être distribué. Et du coup, elle a monté une espèce de conseil citoyen. Elle a envoyé 10 000 invitations à des citoyens autrichiens qui avaient été tirés au sort et absolument représentatifs de la population autrichienne dans sa diversité d'âge, de genre, d'affinité politique, de classe sociale, etc., etc. Et donc, elle a formé comme ça un conseil citoyen de la redistribution avec 50 personnes, in fine, qui s'est réuni pendant 6 week-ends. Et ils ont décidé, du coup, de l'allocation de ces 25 millions d'euros à différentes causes, associations, organisations. Et ils ont réussi à se mettre d'accord, alors que c'était pas toujours évident, parce qu'évidemment, il y a des sensibilités très différentes. Et voilà, j'ai fait une interview, je suis en train de penser que j'ai encore jamais publié, il faut absolument que je le fasse. Mais c'est passionnant. Et en fait, quand le processus est là, mais c'est un peu ce qui s'était passé aussi à la Convention citoyenne en France pour le climat, hein, quand on crée les bonnes conditions, même avec des gens qui sont très différents au départ, qui partagent pas les mêmes convictions, les mêmes parcours et tout ça, c'est possible, faut juste créer les bonnes conditions. Alors faut juste, c'est pas facile, hein, mais c'est absolument possible et on ne le fait pas. Tu nous fais un teaser magnifique. Là, les gens, ils vont forcément, en attendant bien sûr que l'interview se termine, mais s'abonner à ta newsletter ensemble, parce que tu raconteras ça dans une prochaine newsletter. Donc ça donne vraiment envie. Merci. Moi, comme je te le disais, j'ai envie qu'on fasse ce voyage en 2030 glorieuse, qu'on raconte comment, à quoi ça ressemble une France où le dialogue est redevenu une évidence et nous traverse, nous chamboule, nous fait grandir au quotidien. Mais avant avant ça, il y a toujours un petit moment de lecture, une sorte de bulle qui, j'ai l'impression cette fois, est vertueuse à travers une lecture. Parce que moi, je suis persuadé aussi que les livres, ils ont une grande place dans nos transformations, dans nos rêves, et notamment parce que ce sont des fenêtres vers des mondes meilleurs. Et donc, toi, tu viens nous lire un passage d'un livre qui recèle une vision, des valeurs que tu aimerais voir se développer en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Clara ? Alors, tout à fait. Donc, moi, j'ai choisi de vous lire un extrait. En fait, les deux dernières pages, deux dernières pages d'un bouquin qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Humanité, qui a été écrit par un historien néerlandais qui s'appelle Roger Bregman. Voilà. Et moi, c'est vraiment un bouquin qui m'a énormément inspiré, qui m'a fait changer aussi un peu ma vision de l'être humain. Et donc, je vais vous lire ces dernières pages, où vous allez voir, il fait référence à un événement qu'il évoque un peu plus tôt, qui s'est passé en 1914. Donc, on n'a même pas besoin de se projeter en 2030 pour aller voir comment ces failles spatio-temporelles, en fait, sont déjà là, existent déjà. En Noël 1914, juste ce qui s'était passé, c'était une trêve entre des soldats ennemis, du coup, britanniques, français, allemands, qui donc le soir de Noël s'étaient retrouvés au milieu du No Man's Land dans les tranchées, à trinquer, à chanter ensemble, Noël, et en oubliant complètement la guerre et ce pourquoi ils étaient là. Donc il fait référence à ça, c'était juste pour que vous puissiez raccrocher les wagons. Lorsqu'à Noël 1914, le virus de la paix s'était transformé en véritable épidémie, seuls quelques soldats s'y étaient montrés insensibles. L'un d'eux était un jeune caporal opiniâtre de 25 ans, membre du 16e régiment d'infanterie de réserve bavarois. « De telles choses ne devraient pas se produire en temps de guerre », vociféra-t-il. Cet homme s'appelait Adolf Hitler. Mais la plupart des soldats vécurent la trêve de Noël dans les tranchées comme l'un des moments les plus forts de leur vie. À chaque fois, le rapprochement fut amorcé sur le front par les hommes qui se trouvaient au plus près des combats. Il se propagea dans des échelons inférieurs vers le haut, jusqu'à impliquer des capitaines, des majors et des colonels. Les seuls qui s'obstinèrent à y résister, c'étaient les puissants, au sommet de la hiérarchie. Les généraux firent tout ce qui était en leur pouvoir pour arrêter le fléau de la paix. Le 29 décembre 1914, le quartier général allemand promulgua le décret suivant. Toute cordialité à l'égard de l'ennemi était strictement interdite. Un maréchal britannique ordonna également que cesse toute démonstration d'amitié. Si un soldat désobéissait, il était traîné devant le conseil de guerre. Dans les années qui suivirent, les dirigeants de l'armée surent mieux se préparer. À Noël 1915, le haut commandement fit bombarder les positions ennemies jour et nuit afin de tordre le cou à tout esprit de Noël. Et pourtant, pour de nombreux soldats, si cela n'avait tenu qu'à eux, la guerre aurait été terminée dès le jour de Noël de l'année 1914. Si nous avons laissé faire, jura un major britannique, il n'y aurait plus un seul coup de feu tiré. Des milliers de soldats firent de leur mieux pour maintenir l'esprit de paix. En secret, ils s'écrivirent des lettres. « Soyez sur vos gardes demain », écrivit une unité française à son homologue allemande. « Un général vient rendre visite à nos positions, nous allons devoir tirer. » Un bataillon britannique reçut un message similaire de la part des Allemands. « Nous resterons bons camarades, si l'on nous force à tirer, nous tirerons vers le haut. » À certains endroits du front, la trêve perdura encore plusieurs semaines. Et malgré toutes les mesures décidées d'en haut, d'autres éruptions de paix s'en suivraient. Lorsqu'en 1917, la moitié des divisions françaises commencèrent à se mutiner, les Allemands ne s'en rendirent même pas compte. Pour autant qu'ils sachent, les Français s'en tenaient simplement au vieil accord tacite qui consistait à ne pas tirer. Ainsi, la trêve se tenait toujours en embuscade. L'historien militaire Tony Ashforth décrit l'épisode de 1914 comme l'émergence soudaine, depuis les profondeurs, d'un énorme iceberg. Même en temps de guerre, il existe une montagne de paix qui peut à tout instant affleurer à la surface. La guerre, voyez-vous, n'est pas du tout profondément ancrée dans notre nature. Ce qu'il faut retenir, et je m'adresse aussi à moi-même, c'est que cet autre nous ressemble. Ce concitoyen énervé dans le journal, ce criminel aux yeux barrés d'un rectangle noir, ce réfugié qui n'est plus qu'une statistique, ce sont tous, autant qu'ils sont, des êtres de chair et de sang. des gens qui, dans une autre vie, auraient pu être nos amis, nos parents, nos bien-aimés. Ils ont eux aussi à la maison des gens qu'ils aiment, constata un soldat britannique. Si nous nous barricadons dans nos tranchées, nous perdons de vue la réalité. Nous parvenons alors à nous convaincre qu'une petite minorité haineuse est représentative du reste de l'humanité. Ainsi, une poignée de trolls solitaires et anonymes sont responsables de presque la totalité de la haine qui se déverse sur Twitter et Facebook. Et même derrière le plus affreux chevalier du clavier se cache peut-être un ami affectueux ou quelqu'un qui prend fidèlement soin d'un être cher. Croire que l'être humain est bon, ce n'est ni faible ni naïf. Croire en la paix et en la force du pardon, c'est au contraire être courageux et réaliste. José Miguel Sokolov conte l'histoire d'un officier qui, avec son unité, a aidé les publicitaires colombiens à diffuser leur message de Noël. Quelques mois plus tard, il mourait au combat. José se souvient encore ému de ce que son ami lui a appris. « Je veux faire ça », lui avait confié l'officier, « car être généreux me rend plus fort. C'est aussi le cas de mes hommes, cela leur permet de se sentir plus fort. » C'est là une vérité très ancienne. Les plus belles choses dans la vie sont celles dont on reçoit davantage à mesure qu'on les donne. La confiance, l'amitié et la paix. Pris le temps de nous lire cet extrait parce que effectivement ce livre Humanité il m'a aussi beaucoup touché, je l'ai lu en fin d'année dernière, un moment où j'en avais marre d'entendre parler des guerres, où c'était un peu le aussi un moment un peu intense là avec tout ce qui se jouait au Moyen-Orient, même si malheureusement ça n'est pas allé en s'améliorant, et de lire ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc si jamais vous avez pas encore lu ce livre effectivement de Rutger Bregman, en général on connaît Utopie réaliste mais on connaît pas ce livre Humanité, je vous le recommande vivement, et je te remercie Clara d'avoir fait la lecture d'un passage de cet ouvrage qui mériterait d'être largement connu, voire même pourquoi pas des lectures obligatoires au lycée. Ça ferait du bien, je me disais, concours d'histoire, d'entendre ça. Ça serait chouette. Ce que ça me donne envie, en tout cas, là, maintenant, c'est de faire ce voyage en 2030 glorieuse avec toi, où, effectivement, on s'est rendu compte que l'humanité, elle était bien plus belle, bien plus ambitieuse, enthousiasmante, empathique, bienveillante que ce qu'on imaginait. Ça ne veut pas dire que là, les 2030 glorieuses qu'on va explorer ensemble, en parlant au présent, hein, bien sûr, pas de conditionnel entre nous, Clara, pendant les 20 prochaines minutes qui viennent, elles sont trop simples et trop faciles. C'est pas cuit-cuit les petits oiseaux, tu vois. C'est pas tout a été réglé d'un coup de baguette magique. On n'est pas hors sol. On peut très bien être en 2032, 2037, 2042, parce qu'en fait, les 2030 glorieuses, c'est un peu comme les 30 glorieuses. C'est des décennies qui ont vraiment marqué une rupture majeure, même des ruptures majeures au niveau économique, social, historique. On va pouvoir revenir dessus et les détailler. Moi, forcément, ce que j'ai envie de te poser comme première question, Clara, c'est déjà, si tu regardes par la fenêtre, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves en 2030 glorieuse, qu'est-ce que tu vois ? Et puis on ira ensuite sur les questions qui t'animaient toi à l'époque en 2025, hein, je crois que c'est ça quand on avait fait l'interview. Alors dis-moi ce que tu vois par la fenêtre en 2030, glorieuse Clara. J'étais en train d'essayer de calculer en 2030, glorieuse, quel âge ont mes enfants. J'ai envie d'être avec eux, d'aller les chercher à l'école. À l'école publique et je suis donc en 2030, je les cherchais à l'école publique, je les ai laissés à l'école publique qui est un lieu magnifique de brassage et de qui permet de lutter contre ces bulles qu'on évoquait. Donc voilà là où je suis. Je suis devant l'école en train de les récupérer, l'école publique. Un formidable lieu de brassage qui donne tout de suite le ton de la France dans laquelle nous vivons, où nous faisons communauté et communauté avec un grand S. Raconte-moi ce que ça veut dire pour toi en 2030 glorieuse de faire communauté. Pour moi, ce que ça veut dire faire communauté, c'est

universelle qui est en train de devenir obligatoire pour tous. Et donc l'objectif à tous les âges, pour les jeunes, mais après aussi pour les adultes, c'est de rassembler des gens qui viennent justement de bulles d'univers très différents, mais autour de causes communes pour lesquelles du coup ils vont s'engager à consacrer du temps et de l'énergie. Donc ça peut être le climat, le soin aux personnes âgées, voilà. Et donc les gens sont formés quelques mois pour être capables de relever ces défis-là, et puis ensuite ils travaillent ensemble avec des gens qu'ils auraient jamais rencontrés autrement. Et puis c'est très utile pour encore une fois relever les défis qui sont devant nous. Voilà, on a aussi démultiplié les rites collectifs comme la fête de la musique qui a pris de l'ampleur. On en a créé un peu, enfin il y en a plein qui ont émergé partout en France, vraiment qui ont émergé du terrain mais qui ont commencé à essaimer. Il y a cette chenille géante effectivement qui a commencé à faire un tour de France de la chenille géante et qui a créé une dynamique très chouette. Voilà, qui est des conventions citoyennes aussi, c'est-à-dire que là, les failles spatio-temporelles que moi j'avais commencé à créer, et donc ces expériences collectives de dialogue, ça a été assez intéressant de voir comment elles ont commencé à se multiplier un peu partout en France, dans plein de contextes, et que au fur et à mesure, les gens étaient tellement contents d'y participer, et ça crée tellement d'impact et justement d'efficience, de capacité à relever tout un tas de défis, ça a fini au niveau en tout cas local là par être presque institutionnalisé par les maires, les mairies qui ont commencé à organiser des conventions citoyennes. Voilà, c'est carrément devenu des conventions citoyennes qui s'organisent un peu partout. Tout le temps, voilà. L'art nous a beaucoup aidé, hein, comme toujours, parce que l'art, c'est finalement la pierre angulaire de tout. Et donc, il y a beaucoup d'œuvres collectives, d'œuvres expérientielles, un peu comme cette chenille géante là, lancée par Kermès, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui ont aidé aussi à remettre un peu de la poésie et puis des imaginaires différents dans la tête des gens. Oui, bien sûr. Et puis dans le podcast de 2030 Glorieuse, à l'époque, je donnais la parole aussi à Fiona Mill qui travaillait pour Mountain Wilderness et qui avait pour ambition d'organiser des Jeux Olympiques territoriaux. Je crois que le sport, ça a aussi beaucoup aidé parce que ça a permis de remettre une compétition saine, enfin en tout cas par le sport, de la rencontre, de moments festifs et de se rendre compte que voilà, on n'avait pas besoin de passer par les sponsors mondiaux, le Qatar et autres joyeuseté de notre passé qu'on est bien content d'avoir abandonné pour en fait vivre ces expériences qui sont de la joie pure, de la rencontre, de l'altérité et tous ces sports, ça nous a fait aussi beaucoup de bien. Je voulais revenir un instant et te lancer sur ce sujet-là, sur les conventions citoyennes, parce que on a été surpris de voir que l'idée de les filmer, ces conventions citoyennes, d'en faire un peu une sorte de nouveau loft story, parce que on suivait les gens individuellement, qu'ils nous donnaient leur avis sur ce qu'ils étaient en train de vivre et que en fait ça alimentait les repas jour après jour avec des conversations hyper intéressantes à nouveau dans les foyers. Ça vraiment vraiment vraiment fait le buzz. Et aujourd'hui, il n'y a pas une année sans qu'on suive une convention citoyenne à la télé. Mais il y a une autre série qui a fait un carton aussi, qui nous a redonné le goût de l'autre. C'est ta série, Clara. Raconte-nous un peu ce succès. T'es redescendue de ton petit nuage. Oui, c'est vrai que j'oublie même d'en parler. Oui, ça a été absolument décisif. Et d'ailleurs, presque j'aurais dû commencer par là, parce que c'est vraiment quelque chose qui a contribué, en tout cas, à lancer tout ce mouvement. C'était à l'automne 2026, je crois, où on a lancé la série, parce qu'on voulait que ça sorte avant les présidentielles 2027. Et le concept de la série, c'était cette brigade menée par Artus à l'époque, le réalisateur comédien, qui s'est entouré de quatre experts de la médiation, de la communication, de la négociation, de l'analyse politique, et qui s'est mis à sillonner la France en van. Pour aller régler sur le terrain des situations justement un peu complexes de polarisation entre des groupes, voilà. Et ça a été génial ce qui s'est passé parce qu'on a en plus, c'était pas juste une émission télé, donc on a lancé tout un mouvement citoyen autour de ça avec une campagne de crowdfunding avant même de lancer l'émission qui était très soutenue. Et en fait, ça a créé, un gros mouvement d'adhésion parce que les gens se sont passionnés pour cette série, et à la fois les rebondissements et les moments d'humanité, d'intimité partagée que ça permettait de créer. Et puis surtout, ça a montré aux gens que c'était possible, en fait. Et à partir de là, les gens ont pu s'emparer de aussi de tous les outils que ça a permis de démocratiser pour mieux dialoguer. Et à partir de là, un peu partout en France, se sont multipliées ces fameuses failles spatio-temporelles d'expérience, donc de dialogue collectif sur tout un tas de sujets. Il y a des gens qui ont contribué à essaimer ça très activement, et c'est ça qui nous a permis aussi derrière de l'institutionnaliser ensuite vers des conventions citoyennes. Mais ça a été vraiment un mouvement populaire qui est né du terrain avec cette émission de télé Ensemble Mission Impossible point d'interrogation. Et d'ailleurs des milliers d'emplois créés aussi à l'initiative ou grâce à cette série, parce que des médiateurs, des médiatrices partout, dans les mairies, dans les entreprises, dans les lieux de passage, des agents de convivialité, à l'époque aussi c'était le Social Bar qui avait lancé ça pour recréer du lien dans les espaces d'attente. Et donc aujourd'hui on a des personnes qui sont formées à organiser la rencontre, fugace, éphémère parfois, mais parfois sur le temps long, et de se rendre compte à quel point c'était important d'avoir des gens formés pour assurer ce service. C'était essentiel. Donc aujourd'hui on est médiateur, on est médiatrice, on connaît quelqu'un dans notre famille qui fait ce travail, et c'est essentiel. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Bertrand qui s'est associé avec plein d'autres acteurs qui ont créé même une école pour former à ces métiers-là, et il s'était appuyé sur ce qu'il avait lancé dans le 14e arrondissement pour essayer de faire du 14e arrondissement un village avec plein de rencontres, de discussions, de projets collectifs portés entre voisins. Et de ça, et voilà, il a essaimé ce modèle-là, effectivement, en créant une école de tous ces métiers du lien, de la convivialité, du dialogue, qui sont en train de devenir absolument essentiels dans notre... On est passé en quelques années d'une société où on était fatigué d'être seul à une société où on est fatigué d'être ensemble, parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie aussi, toutes ces connexions, tous ces sourires qu'on a en magazine, cette écoute active, c'est du travail. Je pense qu'il ne faut pas non plus... On est en 2030 glorieuse, mais... il faut pas oublier que les cultures et les bulles se mélangent jamais juste dans une espèce de chatoiement harmonieux. Tu vois, on n'est pas dans une pub Benetton des années 80, hein, donc. Non, c'est un joyeux bordel, mais ça nous va bien. C'est pas toujours facile. C'est de la friction. Mais je crois que c'est justement ça, c'est qu'on a appris et compris que c'était possible et indispensable. D'oser aussi justement se confronter et aller à la friction avec tout ce que ça a de courageux, mais de fertile, mais de le faire vraiment, pas chacun derrière un écran en train de... C'est du boulot, quoi. C'est du boulot, l'autre, ouais, mais c'est une richesse qui mérite d'être allée chercher, qui mérite qu'on aille la chercher. Ouais. Toi, la question à 10 000 euros ou à 10 000, je ne sais pas, tu habites à Paris, Clara, il me semble, encore en 2030 glorieuse, donc c'est une monnaie locale complémentaire, peut-être la pêche de Montreuil à l'époque qui était en train de s'étendre à Paris. Tu fais quoi, toi, en 2030 glorieuse, Clara? Tu veux dire, moi, mon métier, mon activité? Ton travail, ton activité, ton passe-temps, tes missions, à quoi tu dédies ton temps d'ailleurs? Parce qu'à l'époque, on répondait en parlant de son travail, mais peut-être qu'on répond autrement. 2030 glorieuse. Effectivement, moi j'ai créé une espèce de studio de création il y a quelques années qui crée et qui produit des œuvres de friction, des œuvres collectives qui permettent justement, qui sont des œuvres artistiques, mais qui permettent aux gens de se mélanger, de créer du lien autrement, de se connecter à eux-mêmes, aux autres, à la nature. Et on a comme ça créé et porté plein de projets hyper ambitieux et chouettes et transformants. Et je continue du coup à faire ça très activement. Et en même temps, j'y consacre effectivement pas plus de 2 jours et demi, 3 jours par semaine, parce que j'ai trouvé un équilibre où je vis aussi une partie du temps dans le Morvan, qui est une très belle région pleine de lacs et de rivières. Et donc voilà, c'était important pour moi aussi. J'ai réalisé à quel point on produisait pas plus en faisant plus tout le temps, toujours plus. Ça m'a même pris du temps à le comprendre intellectuellement et encore plus, surtout à l'intégrer dans ma chair, quoi, et à vraiment changer cette représentation. Mais bon, c'était pas facile, quoi. Mais ouais, j'y suis arrivée et on est très nombreux. À y être arrivé, à avoir changé aussi nos modes de travailler, parce que c'est précisément le fait aussi d'avoir diminué le temps de travail, en tout cas tel qu'on le concevait avant, qui permet d'avoir ce temps et cette énergie à consacrer à tout ce qu'on évoquait à l'instant. Parce qu'il faut du temps et de l'énergie. Mais on a réussi à créer cet équilibre différent dans la manière dont on utilise ce qui est finalement la ressource la plus précieuse qu'on puisse avoir, notre temps. Et donc du coup, tu vas dans le Morvan et tu crées d'autres espaces de dialogue, mais cette fois avec le non-humain, et même si ça passe pas par la conversation, c'est des dialogues qu'on explore aussi souvent en 2030 Glorieuse, donc je suis contente d'entendre parler de ça. On va redescendre petit à petit en 2025, y revenir dans ce présent, et pour toutes les personnes là qui nous ont écoutées et qui nous disent « mais en fait, moi, c'est 2030 glorieuse, je veux pas attendre, je les veux maintenant », tu leur conseilles de continuer par quoi ? C'est quoi la prochaine chose à faire là, à la fin de cet épisode ? Alors, j'aurais envie évidemment de rester en contact avec elle, avec vous, et donc de le faire par le biais de ma newsletter, qui est une manière aussi pour moi de transmettre un peu tout ce que je vois passer et qui me donne de l'espoir. Donc ça peut être un petit pas intéressant. On en a déjà parlé. Peut-être que tu as en plus une idée, un défi peut-être de créer du commun, de vivre une expérience comme ça. Est-ce que parfois tu dis aux gens chiche pour, chiche de. Oui, tout à fait. Bah, j'essaie toujours de faire ça dans mes newsletters. Je donne un petit défi. Et donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme défi là? Je peux vous en donner 2 qui prennent pas trop de temps. Le premier, c'est de vous forcer à suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou enfin d'acheter des contenus qui vont pas dans le sens de vos opinions, pour réapprendre aussi à avoir cette vision beaucoup plus panoramique de la complexité des sujets, parce qu'on finit par être exposé toujours à des contenus qui vont dans le sens de nos convictions, et ça c'est un problème. Donc je vous encourage à faire ça, et puis je vous encourage par exemple la prochaine fois que vous êtes je sais pas, dans le métro, dans la rue, au marché, dans un parc, d'oser adresser la parole à quelqu'un que vous connaissez pas, et ça peut se faire très simplement juste en faisant une observation sur ce qui se passe autour de vous, en décriant, tiens, c'est fou comme c'est beau là, le parc quand il est fleuri comme ça.